Léa, Sovran, Marcel, 9-3, 1-3. Ah! Je rentre à l'heure où maman fait la prière. Élever le niveau, innover, je suis plus mauvais qu'hier. Ma peau est foncée, mon cœur noir, et c'est que des apparences. J'ai bien compris que je suis français que lorsque ça t'arrange. On fait danser l'équipe et nous on pense qu'à éviter. Le potentiel est criminel, c'est tout ce qu'on a hérité. C'est évident, j'ai pris les vacances et je casse des baies vitrées. Je débite tout l'été et tout l'hiver, en fait tout le temps. T'essaies de grailler mon assiette et ouais t'es bon qu'à ça. J'aurais dû cramer ça depuis l'époque du bac à ça. Le bif est amassé, les budgets ramassés. Mais je donnerai tout pour revenir à l'époque la madrasa. On laisse parler, j'ai ressenti les vides que tu laisses parler. Jimmy de blond dans le shit à la Bob Marley. J'ai rencontré le bif, alors on laisse parler. Alors on laisse parler, on laisse parler. On doit compter le bif, alors on laisse parler. Association de malfaiteurs, je me laisse aller. On doit compter le bif, alors on laisse parler. Alors on laisse parler, on laisse parler. On doit compter le bif, alors on laisse parler. Association de malfaiteurs, je me laisse aller. On doit compter le bif, alors on laisse parler. La crapulerie dans un merci, les crapauds attirent les princesses. Qui n'a pas vendu de la fesse, qui n'a pas défaité la terre. On s'associe pour manger plus, quoi. Avec deux, il fait trois. Les Yankees sont fous, ils sont dessus, toi. Que je bois, j'ai plus de voix. Mais je me rappelle bien des cons, tu dans la zone avec toi. Et j'essaye de m'éloigner des cons. Pris des clés de la cellule, pris des culs de Barcelone. Des barres de rire, ils disent même, ils pètent le chambre si je suis mort. Ciné, nous on connaît pas, collègue. Je le bois pur sans pas le taconner. Je rentre à ton air, ben des switch, y'a pas d'air. Peut-être bien au malhonnête. Au char, j'ai fait mes colonies. Reconnu dans ma vie, je suis trop connu. Besoin de partir, tête à l'inconnu. On tient plus sur la colline. J'en fais pas d'accolade, je les vois comme des colons. J'aime pas trop les mascarades, faut pas trop déconner. Et avec mon gang, on fera toujours le boulot. Alors on laisse parler, on laisse parler. On doit compter le bif, alors on laisse parler. Association de malfaiteurs, je me laisse aller. On doit compter le bif, alors on laisse parler. Alors on laisse parler, on laisse parler. On doit compter le bif, alors on laisse parler. Association de malfaiteurs, je me laisse aller. On doit compter le bif, alors on laisse parler. On doit compter le bif, alors on laisse parler. Association de malfaiteurs, je me laisse aller. Je me laisse aller, association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs.